Chapitre 5e. Nouvelles complications. Monsieur Duranger n'était pas seul lorsque Maxou entra. Ce jeune homme, aux dehors élégants, s'entretenait avec lui dans son cabinet. Monsieur Duranger et le jeune homme se levèrent à l'arrivée de Maxou. Monsieur Maurice de Lavernay, procureur de la République, dit le juge d'instruction. Maître Maxou, du barreau de Paris, un de mes vieux camarades et défenseur de l'accusé. Les deux jeunes gens se saluèrent. « Asseyez-vous, » dit ensuite M. Duranger à Maxou. « J'en ai long à vous raconter. »« Sont-ce au moins de bonnes nouvelles que vous allez m'apprendre ?» repartit l'avocat. « Fort mauvaises, au contraire. » »« Des indices précieux pouvaient nous avoir échappé à M. le procureur de la République et à moi lors de notre première visite au château de Faubourlois, et nous avons voulu nous rendre de nouveau sur le théâtre où s'était accompli le crime. » Madame de Valambrose et ses filles accoururent dès qu'elles furent informées de notre arrivée et nous demandèrent si nous venions leur annoncer la mise en liberté de la prévenue. Sous notre réponse négative, les deux jeunes sœurs essuyèrent à la dérobée quelques larmes. La duchesse elle-même ne put cacher sa vive émotion en apprenant le but de notre visite. De nouvelles investigations eurent lieu. Nous étudiâmes, pour ainsi dire, à la loupe la chambre occupée par Flavia. Les tiroirs de la commode de la prévenue furent vidés et examinés. Rien, absolument rien. « Eh bien, alors, » fit Maxou, « attendez un peu, » répondit le juge d'instruction. Je demandai à visiter la lingerie du château, dont la surveillance était confiée aux soins de l'institutrice. Nos recherches, de ce côté encore, furent infructueuses. Au moment où nous allions nous retirer, j'aperçus quelques livres sur une table. Je demandai à la duchesse à qui appartenaient ces livres. « Ils font partie de la bibliothèque, » me répondit-elle. « Flavia, qui aime beaucoup la lecture, venait souvent lire dans cette pièce. » Nous examinâmes les titres de ces livres. C'était pour la plupart des histoires de voyage. « Jusqu'à présent, je ne vois rien de bien compromettant pour la prévenue, » interrompit Maxou dont l'impatience allait sans cesse croissant. « Vous allez voir, » reprit le juge d'instruction. « Ah, le hasard est souvent le doigt de Dieu. » Nous nous disposions à prendre congé de la duchesse, qui nous avait reconduits avec Mademoiselle de Valambrose jusqu'à la grille, et je m'arrêtai quelques instants pour admirer la beauté du point de vue qu'on a de cet endroit. « Mais notre château figure dans l'album du Nivernais, » me dit Mademoiselle Ève. « Et le dessin qu'on en a fait est vraiment superbe, » ajouta la duchesse. Puis se tournant vers Mademoiselle Marcel, « Cher enfant, va donc chercher cet album dans la bibliothèque. » Monsieur de Lavernay s'opposa par courtoisie à ce que Mademoiselle Marcel prît cette peine, et nous remontâmes le grand escalier, puis nous entrâmes dans la bibliothèque. L'album du Nivernais manquait. « Où est-il donc ?» demanda la duchesse. « Dans la lingerie, sans doute, » dit Mademoiselle Ève. « Je crois me rappeler que Flavia l'avait pris le matin de l'événement pour lire la légende de notre fontaine aux fées. « Ma sœur a raison, » répliqua Mademoiselle Marcel. Elle s'éloigna rapidement, et peu d'instants après, elle apportait l'album. Nous le feuilletâmes pour trouver la gravure représentant le château de Faubourlois. Un papier tomba. Mademoiselle Ève le ramassa. « Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose dans ce papier. » Je le pris et l'ouvris. Il contenait une poudre blanche. « Une poudre blanche ?» dit Maître Maxou en pâlissant. « Elle est dans cette enveloppe avec le sceau de la justice, » répondit M. Duranger. « Vous ne l'avez pas encore fait examiner ?» reprit l'avocat. « Elle sera déposée ce soir au greffe et demain la personne chargée de l'expertise la vérifiera. » « Voulez-vous permettre que cette personne soit assistée par ce docteur de mes amis dont je vous ai parlé ?»« Je n'y vois pas d'inconvénient. L'expertise aura lieu demain matin, à 9h. »« Il y sera. Un dernier mot. Vous avez vu la prévenue, et en votre qualité de défenseur, vous la croyez innocente. C'est ma conviction. Que Dieu vous entende !» dit M. Duranger. « Cependant, si cette poudre est encore du poison, comme je le crains, ceci aggravera terriblement la situation. Nous verrons cela demain. » répondit Maxou. « Mais j'ai quelque chose à vous demander dans l'intérêt de la défense. Parlez. Je désire que vous fassiez citer comme témoin le duc de Valombreuse. »« Le duc de Valombreuse ?» interrompit le procureur de la République. « Mais il était absent au moment de la perpétration du crime. Quelle lumière voulez-vous qu'il apporte dans l'affaire ?»« J'ai des motifs pour qu'on l'interroge, monsieur le procureur. »« La défense peut le citer. »« C'est vrai, » dit Maxou. « Toutefois, je préférais que ce fût la justice. » « Enfin, quelles sont vos raisons ?» demanda le juge d'instruction. « Ne connaît-il pas l'accusé ? Ne peut-il pas dès lors fournir certains renseignements des plus importants sur elle, sur son caractère ? Si c'est le ministère public qui le cite, il sera tenu de répondre. Si au contraire c'est la défense, il ne viendra, s'il vient, que le jour des débats. Il sera bien tard peut-être pour contrôler son témoignage. Demain je lui enverrai une citation comme témoin, répondit M. Duranger. Lorsque Maître Maxou fut parti, le procureur de la République dit à son collègue « Vous allez causer mon ami un grand chagrin à la duchesse en assignant son mari. » Songez donc, quel scandale! Le duc a été autrefois un homme de mœurs fort légères. Qui sait, peut-être a-t-il fait la cour à cette Flavia. Car votre ami a dû avoir de puissants motifs pour demander sa comparution. S'il résulte de tout ceci quelque éclat fâcheux, je le regretterai vivement. Répondit le juge d'instruction. Mais les droits de la défense sont sacrés et la citation sera envoyée demain. À propos, savez-vous où je dois l'adresser, mon cher Lavernet? À Uriage, dans l'Isère, dit le procureur de la République. C'est là qu'elle trouvera le duc de Valombreuse.